Sur le toit de ton petit cœur, y a une girouette qui tourne quand l'amour s'y met. J'aimerais être celui qui fait chavirer ton cœur comme le vent de mai. Tu as l'embarras du choix pour trouver ton amant. Je serai bien celui-là, sans vouloir me mettre en avant. Sur le toit de ton petit cœur, y a une girouette qui tourne quand l'amour s'y met. J'aimerais être celui qui fait chavirer ton cœur comme le vent de mai. Tout le monde te trouve exquise, te fait mille serments. Moi, je saurais les tenir sans vouloir faire l'intéressant. Sur le toit de ton petit cœur, y a une girouette qui tourne quand l'amour s'y met. J'aimerais être celui qui fait chavirer ton cœur comme le vent de mai. On te promet des baisers de toutes les couleurs. Je te donnerai les plus sucrés sans vouloir me lancer des fleurs. Sur le toit de ton petit cœur, y a une girouette qui tourne quand l'amour s'y met. J'aimerais être celui qui fait chavirer ton cœur comme le vent de mai.